Bonjour monsieur, je peux vous renseigner ? Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien ? Oh, je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien ? 75 euros, monsieur. Ah, et vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir ? Bien sûr, il fait 32 euros. Et ce stylo bleu, là ? Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors, je vais prendre le bleu. C'est pour offrir ? Oui, s'il vous plaît.